poésie. La nouvelle génération dans l'arche de Noé, l'arche de Noé. Mambrum, mambrum. bateau banabangé. 40 nuits, 40 jours, de l'usa et konoka. Si mamie coloro, il a mandé des coucou.